Some boy T-Roots, Kindy, Baby Lady, have the policy pour le mot à coup. Sans bruit de voix, tu passes qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi, plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos vies de nos jours, c'est un combat. Et ça reste trop dans ton bureau, tu ne vois pas. Sans bruit de voix, tu passes qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi, plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos vies de nos jours, c'est un combat. Et ça reste trop dans ton bureau, tu ne vois pas. Prise de conscience, ouvre les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Ce monde devient fou et finira par s'écrouler sur nous. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fera autant que certaines personnes jouent avec nos vies. Ils sont donc cesse, gros dépôt de la combine, de la parlotte pour calmer l'électorat. Trouver de la thune pour leur business, ça c'est une affaire d'état. Et plus ça va et plus le peuple s'enfonce dans la misère. Par des conflits de toutes ces guerres qui tuent frères, pères et mères. Bouge, bouge, car dans la vie faut se lever, ne pas voir rouge, rouge. Rien ne sert de s'énerver, le monde bouge, bouge. Nul ne doit être oublié. Donne-toi la chance un jour de réaliser ton projet. N'aie pas peur de t'ouvrir. Prends les rênes en main, prends un cœur de réagir. Ta vie t'appartient, prends la peine de réfléchir. Tu en as les moyens. Nul ne pourra s'interposer entre toi et ton destin. On s'efforce de vivre notre quotidien comme on le peut. On nous donne pas les moyens, mais on peut faire bien avec nous. Nous sommes pas acteurs du film de nos vies qui nous contrôlent ainsi. La seule chance, la survie, t'as pas le choix, c'est ainsi. Les politiques sont corrompus, même la police nous le a déçus. Dans la rue est perdu, porté disparu. Le peuple est blasé, à force de se faire fonctionner tous touché, les jours. Touché, tant de gens ont été touchés. Sans bruit de voix, tu passes qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi, plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos villes de nos jours, c'est un combat. Et ça est trop dans ton bureau, tu ne vois pas. Sans bruit de voix, tu passes qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi, plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos villes de nos jours, c'est un combat. Et ça est trop dans ton bureau, tu ne vois pas. Les temps sont durs, mais je te rassure, y aura toujours des gars. Comme lui, comme toi, comme moi, pour leur mener la vie dure dans le futur, contrecarrer leurs plans et contourner leurs lois. Le temps est aux solutions, trouvons la bonne résolution. Ne laissons pas la répression assouplir nos opinions. Car le gouvernement, eux, s'applique à nous mener tel des moutons. À faire d'autres fuses, nos visions dans ce monde en évolution. Rejoignez dans cette aventure une lutte, un combat pour retrouver nos droits. Se battre contre la dictature, la liberté de dire, de faire, d'avoir des choix. Appliquons-nous à faire de nos vies ce que nous voulons. Libérons nos esprits de toute cette folie où nous mourrons. Brisons l'échiquier sur laquelle nous étions des pions. Évoluons la menace et le blâme sur nous fait monter la pression. Regarde qui tu fréquentes, sois responsable, respecté. Donne le meilleur de toi-même, quels que soient tes projets. Cultivons la graine de la confiance afin qu'on avance. Ceci doit se faire en urgence, en somme, un vrai cas de conscience. Regarde bien qui tu es, ce que tu as fait. Corrige tes défauts, utilise tes qualités. Seuls tes rêves te permettent de t'affranchir, t'accomplir. La liberté des esprits viendra à force de bâtir. Sans bruit de voix, tu passes ce qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi. Plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos villes de nos jours, c'est un combat. Et ça reste trop dans ton bureau, tu ne vois pas. Sans bruit de voix, tu passes ce qui se passe en bas de chez toi. Les jeunes ont perdu leur foi. Plus personne n'écoute leur voix. Vivre dans nos villes de nos jours, c'est un combat. Et ça reste trop dans ton bureau.